les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gemozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogemozo.eu. Et bonjour auditeurs des Vosges samedi, eh bien c'est une spéciale chasse. Et oui, c'est l'émission Les Vosges samedi du 28 octobre 2017. C'est toujours à cette date que vous pouvez retrouver en première diffusion. Donc cette émission au podcast que nous aurons le plaisir de vous rediffuser. Et oui, ultérieurement, parce que plein d'infos particulièrement intéressante sur ce domaine. Et on va commencer à emprunter à la radio publique, à France Inter, d'une part, eh bien, un extrait d'une émission. Et puis ensuite, nous aurons donc un interview également d'un animateur de différents adhérents de différentes associations. Pour continuer sur ce sujet de la chasse, sujet ô combien sensible, comme nous l'exprime d'ailleurs Denis Chessou, au début de son émission CO2 Mon Amour du samedi 30 septembre sur France Inter. La chasse, vous savez, c'est français, c'est historique, c'est viril. Et nous, chasseurs, nous sommes les premiers protecteurs de la nature. On a le label du ministère de l'Environnement et Laurent Wauquiez nous l'a répété. Il nous aime, lui, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc très bien. Alors, parfois, évidemment, il faut s'être pris un peu de plein fouet de la violence des chasseurs de la Somme ou de l'Ardèche au col de l'Escrinet pour comprendre qu'il n'est pas besoin de gratter longtemps le vernis des convenances sociales et du dialogue constructif pour saisir qu'Homo sapiens a du mal à s'extraire du simple et fruste erectus que nous sommes tous, d'ailleurs, plus ou moins. Mais, on va voir quand même le côté positif. Parce qu'il y a une alliance objective entre naturalistes et chasseurs, garder des milieux naturels, de la biodiversité en bon état. Alors les uns ont des jumelles, les autres ont un fusil à lunettes. Moi j'ai des copains qui sont aussi chasseurs, en Côte d'Armor, dans le Tarn, dans la Nièvre, et qui œuvrent ensemble avec des naturalistes dans ce but et font de la pédagogie auprès de leurs adhérents. Alors de là à évangéliser les enfants dans les écoles avec la bénédiction de l'éducation nationale, c'est une autre histoire. Alors il ne s'agit pas forcément d'être totalement radical sur le sujet, mais l'actualité est récente et, comment on va dire, un petit peu chaude. Saison 2016-2017, 18 morts contre 10 la saison précédente, donc 80% de hausse, c'est pas mal, et 143 accidents. Chouette, la saison 2007, elle, est bien partie pour battre des records. Jugé plus tôt, 2 septembre en Corse, un jeune de 17 ans est mort d'un tir en pleine tête au cours d'une partie de chasse familiale. Dimanche 17 septembre en Vendée, c'est le grand-père qui tire dans la tête de son petit-fils de 13 ans qui doit ressembler à un chevreuil. Le même jour, un chasseur et son fils de 11 ans sont blessés par la même balle au cours d'une battue au sanglier dans le Var. Plus tard dans la journée, c'est un accompagnant dans les Hautes-Alpes, n'en jetez plus. Plus de la moitié des accidents ont lieu le dimanche. Alors, la logique voudrait peut-être une trêve. Gros mot. Le dimanche pour que les promeneurs soient tranquilles. Mais là, on peut toujours rêver et s'accrocher parce que le poids politique est quand même très fort. Vous n'irez plus au bois, les lauriers sont coupés. Les chasseurs que voilà, vous les ont confisqués. N'entrez pas sous les branches, ni samedi ni dimanche. Sautez, dansez, ne jouez pas au sanglier. Bon. Et puis alors, regardons quand même le monde autour de nous. Quoi, 10-20 morts par an? C'est une rigolade. La violence, elle est partout. Et qu'est-ce que c'est face à ce grand fleuve rouge de l'histoire? Alors justement, il existe parmi les chasseurs donc quelques saumons courageux qui remontent le courant. Et cela doit être soutenu parce qu'ils s'allient donc à d'autres pour essayer d'inverser les choses et ne trouvent pas tabou l'instauration d'un périmètre de sécurité autour des habitations, mesure qui n'existe plus quand même depuis 1982 sur la moitié du territoire. Ils ne trouvent pas tabou l'établissement d'une réglementation nationale pour encadrer la sécurité liée à la chasse. Il n'existe plus aucun texte législatif ou réglementaire en application en France. Ils ne trouvent pas tabou un contrôle annuel de l'état de santé et de la vue pour obtenir le renouvellement du permis de chasser. Ils ne trouvent pas tabou non plus la mise en place d'un seuil légal de concentration d'alcool dans le sang et dans l'air expiré, si vous voyez donc ce que je veux dire. Alors aussi, pour être plus responsable et tenter, alors là, accrochez-vous, de grappiller quelques points au bac. Ouais, au baccalauréat. Depuis cette année, il existe même une option chasse. Alors, c'est le fait d'un lycée en France, hein, il n'y en a qu'un, c'est l'Institut agricole Saint-Joseph à Limoux, dans l'Aude. Alors, a priori, si vous voulez, Saint-Joseph, il était plutôt meilleur protecteur dans la boîte à gants du 4x4 bio que dans la cartouchière. Enfin, bon, hein, on peut se recycler. Bref, l'évaluation en contrôle continu est sur 2 ans, entre théorie et pratique. Et cette matière permet de, quand même, alors, d'abord, ça permet de rajeunir le cheptel des chasseurs, parce que c'est pour les époques des gamins, hein, bon. Et peut-être formera-t-elle plus tard des chasseurs autrement responsables. Et ainsi, on pourra toujours dire à nos jeunes, passe ton bac d'abord, ça te mettra du plomb dans la cervelle. Eh oui, après France Inter, place aux radios associatives. Eh oui, vous êtes dans les Vosges, samedi du 28 octobre. Le thème est la chasse. Et la chasse, eh bien, c'est Michel Maignan qui va nous entretenir de ce sujet. Donc, comme je disais, sensible, très très sensible. Et comment localement on peut permettre, eh ben, qu'il évolue d'une façon beaucoup plus positive. Michel Maignan, qui est également, donc bien sûr adhérent de Oiseaux Nature, mais également là, davantage à ce titre, adhérent du groupe d'études des mammifères lorrains. Allô, bonjour monsieur Maignan, Michel Maignan, bonjour. Bonjour Hélène. Alors, plusieurs casquettes je pense, Michel, pour nos auditeurs d'RCN et d'RGM, Radio Guémouzo et Radio Caraïbes Nancy. Mais la casquette qui nous intéresse, c'est celle, entre autres, où vous siégez dans une association de Lorraine auprès de la préfecture, car nous sommes dans une spéciale chasse. Et pouvez-vous nous parler, eh ben, comment se fait la prise de température des autorités publiques locales concernant ce dossier très épineux de la chasse ? Oui, bonjour Hélène. Effectivement, je peux parler de ma présence au sein de la commission de la chasse et de la faune sauvage du département 88 Vosges. Comme représentant une association parmi un certain nombre de membres qui sont pour l'essentiel et pour la grande majorité des chasseurs, des louvetiers, des piégeurs, et j'en passe, et des meilleurs. Nous sommes effectivement des représentants d'associations dans ces commissions qui existent dans chaque département et sur le département des Vosges, effectivement. Je représente le GEML. GEML voulant dire Groupement d'études des mammifères de Lorraine. Il y a un deuxième siège qui est confié à Oiseaux Nature. Oiseaux Nature, donc particulièrement active pour permettre de respecter déjà la législation qui existe pour préserver un tant soit peu certaines espèces sauvages, et déjà les préfectures, notamment celle des Vosges, ont dû se faire aligner par Oiseaux Nature devant le tribunal administratif, déjà pour qu'ils respectent les lois. On en est déjà à ce que la société civile doit faire respecter les lois. Et justement, par rapport à ces lois, est-ce que vous pouvez nous parler d'une initiative particulièrement intéressante qui concerne le fait que les espaces naturels ne soient pas annexés 7 jours sur 7 par une extrême minorité de Français qui sont les chasseurs? Oui, effectivement, vous le rappelez, la chasse occupe les territoires naturels pour une minorité de personnes, contrairement à ce que souhaiterait une majorité de Français. Je voudrais commencer par rappeler que la chasse tue, c'est une évidence. Derrière une image bucolique de la chasse, il faut savoir qu'il y a des morts, il y a des animaux qui meurent, il y a des animaux qui sont blessés, il y a également des hommes qui meurent. Et je souhaiterais quand même commencer par rappeler qu'il y a eu en ce début de saison 2017, saison de chasse, de septembre, un jeune homme de 17 ans qui a été tué lors d'une partie de chasse. Puis, peu de temps après, le 17 septembre, le grand-père qui tire et tue son petit-fils de 13 ans, le même jour, 2 blessés graves lors d'une battue. Et pour parler des autres victimes, également, des ânes ont été tués. Et voilà, la liste ne fait que commencer et malheureusement, elle sera longue. Donc, il faut juste rappeler que la chasse, c'est la seule activité qui pose un problème de sécurité publique. Et aujourd'hui, l'État qui peut agir, les préfets qui peuvent agir, et c'est pour ça qu'on rappelait tout à l'heure ces commissions, eh bien, il y a, face à ces possibilités, un manque de volonté politique à répondre à l'attente de 80% des Français. Et la première demande qui est faite, c'est une journée sans chasse qui est demandée par une grande majorité de Français. Alors justement, en début de cette émission des Vosges Samedi, nous avons passé un extrait de cette émission écologique sur le service public à France Inter, CO2 Mon Amour, donc qui passe les samedis de 14h à 15h. Et en début donc d'émission, le samedi 30 septembre, eh bien Denis Chessoux justement rappelait ces événements particulièrement dramatiques avec déjà ces morts. Et puis j'ajouterai à la liste déjà des espèces humaines et animales qui sont abattues, hein. Eh bien, j'ajouterai aussi les animaux qui n'ont rien demandé mais qui accompagnent les chasseurs. C'est aussi les premières victimes, hein, quand un animal blessé dans d'atroces souffrances essaye de survivre. Eh bien, si vous avez un chien qui est à proximité, s'il n'est pas mort, il se retrouve dans un sale état très rapidement. Et ça, on n'en parle pas non plus. C'est aussi ces aspects-là. Alors justement, le dimanche sans chasse, initiative qui paraît complètement révolutionnaire en France, de demander le dimanche sans chasse, sachant que c'est en général les dimanches que se passent tous ces drames et ces accidents, notamment... Oui, pour 60% des cas, bien sûr. Voilà. Le dimanche sans chasse, est-ce que... Moi, je peux signer pour demander le dimanche sans chasse ou comment ça se passe, cette initiative? Comment ça se passe? Je vais donner quand même quelques informations sur déjà un collectif qui s'est mis en place. C'est un collectif, le nom c'est Collectif pour le dimanche sans chasse. C'est un collectif d'associations. Aujourd'hui, c'est près d'un millier d'associations d'usagers de la nature. Ça va du naturaliste au vététiste et autres activités de plein air. Ces associations se sont regroupées pour faire face aux perturbations et menaces de l'activité chasse dans la nature. Que peut-on faire ? À ce niveau-là, c'est un collectif d'associations, comme je viens de le dire. Chaque personne peut intervenir indirectement par le biais de son association, de ses associations. Vous êtes militant, adhérent dans une association qui approche de près ou de loin la nature. Vous pouvez demander au conseil d'administration de participer et d'adhérer au collectif sans chasse. Ça, c'est la première démarche, mais qui se fait via les associations. De façon individuelle, vous avez aussi la possibilité de vous manifester auprès de ce collectif sans chasse en vous inscrivant sur la pétition qui est mise en ligne par ce collectif. Les deux font que le poids est de plus en plus important. Je redonne un chiffre qui est quand même significatif, enfin des chiffres qui sont significatifs me semble-t-il, c'est qu'il y a d'un côté environ 1 million de chasseurs, mais il y a de l'autre côté 15 millions de randonneurs, 20 millions de cyclistes, etc. Et on pourrait faire la liste. Donc on est dans un rapport de force qui nous est très favorable, encore faut-il s'organiser et se manifester, c'est déjà une première étape. Voilà, parce que comme on a vu que les pouvoirs publics commençaient à se bouger pour faire respecter la législation, par exemple dans les conditions d'abattage dans les abattoirs, c'est la société civile qui s'est manifestée. Si cette même société civile, si la chasse commence à ne pas à être perçue comme elle est, hein, à savoir quand même pas du tout, déjà c'est un loisir, c'est un sport à tuer, et donc si c'est moins populaire et si en fin de compte les politiques qui veulent se faire élire, eh bien malgré les groupes de pression des chasseurs locaux, ils se disent en fin de compte, je vais perdre plus de voix que je ne vais en gagner. Eh bien, ils vont aussi réviser leur position. C'est aussi ça qui peut être mis en place dans le cadre de ces actions. Déjà, de demander le dimanche sans chasse, où c'est la journée familiale par excellence ou pas de nature pour les personnes qui veulent un peu décompresser de leur semaine, la journée du dimanche, hein, du dimanche sans chat, c'est vraiment du basique. Et puis on est encore une fois de plus dans les mauvais élèves de l'Europe, puisque un certain nombre d'autres pays ont déjà largement devancé cette demande qui paraît complètement révolutionnaire dans ce beau pays français. Hein, Oui, puisqu'aujourd'hui, seule la France n'a toujours pas une seule et unique journée sans chasse. C'est quelque chose qui est apparu à un moment donné, pendant 2 ans, c'est Dominique Voynet qui l'avait mis en place. Et très vite, lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement, c'est-à-dire 2 années après qu'il ait mis ce plan en place, ça a été bien évidemment balayé d'un revers de main par la ministre qui l'a remplacé avec un autre gouvernement. Donc effectivement, les pouvoirs publics ont un pouvoir de décision, mais uniquement sous la pression des usagers que nous sommes. C'est vrai qu'en France, nous avons quand même une organisation de chasseurs qui fait un lobby extrêmement puissant auprès des pouvoirs publics. D'ailleurs, je parle de la Fédération nationale des chasseurs en particulier, qui nous rétorque qu'il faut attendre les conclusions d'un groupe de travail sur la cohabitation chasseurs-usagers, qui est un groupe de travail qui a été confié curieusement à un président d'une fédération départementale de chasse. Donc vous voyez bien... Chercher la partialité. Voilà, trouver l'erreur, quoi, en quelque sorte. Mais cependant, ne baissons pas les bras, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut se mobiliser, il faut agir via nos associations et de façon également individuelle. Voilà. Les deux doivent être faits. Alors, via nos associations, quand il y a une assemblée générale, eh bien, on demande à ce que ce point-là soit mis à l'ordre du jour. Si c'est pas obtenu l'année-là, ça fait son chemin dans les consciences et l'année suivante, eh ben, cette association pourra rallier ce millier d'associations qui ont déjà demandé une modification de la loi pour permettre que le dimanche soit sans chasse et qu'on puisse bénéficier de la nature. Quasiment 6 mois sur 12, normalement, plus que 6 mois parce qu'il y a beaucoup de dérogations qui permettent en plus de la période entre guillemets dans notre secteur, c'est souvent septembre, février où il y a la chasse, mais ça peut avoir lieu à d'autres moments en plus la chasse. Oui, globalement, dans nos régions, la chasse est ouverte et possible environ 10 mois, pratiquement 10 mois sur l'année. Donc c'est presque tout le temps. Et effectivement, la date d'ouverture générale, c'est septembre, c'est donc en ce moment. Et puis, 7 jours sur 7, j'allais dire pas 24 heures sur 24, mais presque, mais surtout au niveau de la surface, en fait, c'est partout quasiment, presque devant votre porte qu'un chasseur est autorisé. Tout à fait, ça me fait penser qu'il y a effectivement quelques informations à connaître, c'est que déjà cette journée sans chasse, mais également ce que demandent certaines associations telles que l'ASPAS, telles que l'Oiseau Nature et autres associations, c'est pouvoir un petit peu réglementer la chasse. Et effectivement, cette notion d'instauration d'un périmètre de sécurité autour des habitations qui n'existe plus. On a l'impression quand on interroge les personnes, mais il y a une sécurité, les chasseurs ne doivent pas se rapprocher à plus de X centaines. Non, c'est fini ça depuis 1982. Il n'y a plus de périmètre de sécurité. Un chasseur peut s'adosser à votre mur sans rentrer sur votre terrain, mais peut s'adosser à votre mur pour pratiquer la chasse avec un fusil, qui est donc une arme à feu qui tue. Donc il y a un certain nombre de règles de ce type que l'on souhaiterait voir apparaître. Et effectivement, en France, on est très en retard sur le sujet. Et puis, justement, la propriété privée qui est quasiment mise en premier article de la Constitution, la propriété privée, eh ben on la bafoue allègrement en ce qui concerne la chasse, sauf si un propriétaire qui est terrien, enfin, qui a des terrains, prend des dispositions d'une façon différente. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces possibilités-là aussi qui permettent, entre guillemets, je dirais, de miter peut-être le paysage de la chasse ? Donc, on demande effectivement que soit mise en place une réglementation qui soit encadrée par la sécurité. Je voudrais aussi rajouter que la chasse, ce n'est pas uniquement l'arme à feu, le fusil, c'est également le tir à l'arc, c'est le piégeage, c'est aussi le déterrage. Faut le savoir, et puis c'est à prendre en compte lorsqu'on va aller argumenter auprès de nos associations pour cette journée sans chasse, mais aussi argumenter auprès de nos associations, voire directement auprès des préfectures et pourquoi pas de l'État. En tant que citoyen, on a le droit de se manifester et d'argumenter et de s'indigner de ces pratiques qui sont bien souvent des pratiques barbares. Donc il y a d'une part la gêne, le droit de circuler qui est mis à mal, mais il y a également derrière la chasse une éthique qu'il faut aussi prendre en compte et sur lesquelles nous avons besoin, nous devons nous manifester et argumenter. Alors justement, pour des personnes qui souhaiteraient que leur propriété privée ne soit pas accessible aux chasseurs, qu'est-ce qui est possible de faire ? Alors, ce qui est possible de faire, une personne qui a un terrain, quelle que soit sa surface, bien évidemment, il faut que ça soit quelque chose qui soit cohérent par rapport à la chasse. La personne qui souhaite mettre son terrain comme réserve de chasse, donc interdit la chasse, peut avoir une démarche directement personnelle auprès de la préfecture, des sociétés de chasse et déclarer moyennant quelques documents, peut déclarer ce terrain réserve de chasse, mais plus facilement on peut confier à des associations telles que Oiseaux Nature, l'ASPAS et d'autres, peut confier cette démarche en donnant ce droit de chasse aux associations en question. Les associations Oiseaux Nature, ASPAS et autres vont se charger des modalités administratives, vont passer un contrat avec le propriétaire en disant « bien sûr, je prends ce droit de chasse, tacitement reconductible, mais si vous voulez l'annuler, vous pouvez toujours l'annuler. Et bien évidemment, je prends ce droit de chasse pour ne pas chasser dessus. » Et à ce moment-là, c'est l'association qui va faire les démarches administratives et qui, le cas échéant, pourra se porter partie civile et pourra porter plainte en cas d'infraction. Donc, ça peut être une solution pour éviter des tensions entre le voisin chasseur, entre la personne avec qui on veut garder des relations cordiales, mais avec qui on ne veut pas créer de conflits. On confie ça à des associations. Des panneaux seront mis éventuellement autour du terrain avec l'accord du propriétaire. Et tout ça se fera en bonne intelligence avec, je rappelle, l'État, la mairie et les sociétés de chasse locales. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez transmettre à nos auditeurs quelques sites ou adresses où ils pourraient prendre, avec lesquels ils pourraient prendre contact pour en savoir davantage par rapport à ce que vous nous avez dit ? Alors, je conseillerais en particulier deux sites, le site du collectif Dimanche sans chasse. Ça, c'est pour l'association, enfin le collectif des associations. Ça, c'est la première chose. Vous trouverez, entre autres, une pétition pour les personnes qui souhaitent participer individuellement, mais également vous trouverez des communiqués de presse, des chiffres. C'est intéressant d'avoir des données chiffrées pour pouvoir argumenter. Et puis un deuxième site qui est très intéressant, sur lequel vous avez des informations avec des mises à jour et des vérifications qui sont faites, donc un site très sérieux, qui est le site de Oiseaux Nature. Donc c'est association-oiseaux au pluriel-nature. Et là, vous allez sur différents index trouver, avec un moteur de recherche si besoin, vous aurez des informations et beaucoup d'arguments à la fois sur les aspects légaux, les aspects techniques, mais également des informations, des arguments pour un aspect qui n'est pas toujours vu, regardé, c'est l'aspect éthique de la chasse par rapport à ce que l'on peut voir pratiquer par ailleurs. Et puis l'aspect, j'allais dire, presque préhistorique, et encore les chasseurs à l'époque, ils chassaient pour manger et se vêtir, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Et la nature régule bien toute seule, comme ça se passe dans les endroits où la chasse n'est plus autorisée. Et surtout, ben voilà, on va se quitter avec l'alouette, parce que interprétée par Arkéo Tribot, et l'alouette qui est toujours chassée dans les Vosges. Oui, pour quelques grammes de plumes et une beauté pareille, c'est le monde à l'envers. Mais c'est réel. Eh bien, grâce à vous, grâce à toutes ces associations, on va essayer de le remettre à l'endroit tant qu'il est le temps de le remettre encore à l'endroit. Merci encore Michel et puis à bientôt sur nos ondes puisque cette émission, bien sûr, sera rediffusée à plusieurs reprises au fil de nos mois à venir. Merci encore à vous. Merci également et bonne chance à la nature. Merci, elle en a bien besoin. Merci, l'alouette qui est au tribot. L'alouette sur la branche, l'alouette. Fais un petit saut, l'alouette, l'alouette. Fais un petit saut, l'alouette, comme il faut. Au bistrot de mon village, au bistrot de mon village, je vois les canons de rouge, de rouge. Je vois les canons en chantant ces quelques sons. Oh, que triste existence! Après ces deux interventions, eh bien, nous allons profiter de la nature, hein, en espérant que très prochainement le dimanche sera sans chasse. Merci encore à nos deux techniciens sur Radio Caraïbes, j'ai nommé Thomas, et sur Radio Guémouzo, j'ai nommé Marcus. Et notre générique de fin de cette émission, première diffusion le 28 octobre 2017. Toujours à cette date que vous pourrez retrouver cette émission en podcast, que nous vous rediffuserons donc ultérieurement. Eh bien, Dominique Walter, que les Vosgiennes sont belles, et nous, on aimerait bien pouvoir les visiter, 7 jours sur 7 d'ailleurs, dans la nature, les Vosgiennes. Allez, que les Vosgiennes sont belles, Dominique Walter. Comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse.